Gözü Elias Bilersin. Manuru Manchi, dans si tu connais. Maluez, maluez. Même si tu la racontes pas, les gens s'enragent envers toi, les mauvaises langues. Manipule la langue de bois, ma main dans ta gueule, mon pied dans ton cul. Comme dit l'auto, alias le cul, une écriture bâtarde. Influencé par les drogues bâtards, je passe au labarme, mais je prétends pas être imbattable. Chaque phrase un coup de massue, t'as vu, le tempo est massif. Sauf soupillard, faut dire qu'on sait, mon s'insulte. Les Illuminati ne sont qu'une bande de sadiques illuminés, j'en dis pas plus. C'est un débat sans limite, je préfère les minimiser. Pas besoin de préciser, c'est freestyle, rien de précis. La qualité, après discount, tout duty free. Une fierté qui frise, parfois le ridicule, même posé sur Redim. J'écris depuis 9 si je suis déjà un jeune vétéran à 26 piges. Dès que je finis mes projets, je tourne la page, ça y est. KR, VDF, Bunker Studio, Split Vandal 2. Levez pas la porte, appréciez, faites pas chier. Vous étonnez rap, on est des parias, pas des pachas. Le pouvoir d'achat en baisse, le pouvoir s'achète. Le pouvoir d'acheter, le pouvoir c'est l'aise. Moi mes poches c'est lèche, SR il prêche, pas là où il crèche. On sait où je suis comme un cadavre marqué à la craie. Je commence par un café crème, fini par un sky glass. Je veux tringler une tasse, l'élève sur une gloss place. Au cas suivi du ROR, précédé du K. Recto verso, vice versa, on fait nos fers. Zadjin, on a le soutien de Zazinho, c'est cool. Beleko sale, trade pool, shoot les poules, poules. Gros, c'est quartier rouge gros. Ferme ta bouche et assieds-toi poteau. Tu bouges trop, un 16 sur une 16. J'suis humble, j'fais les jazz, une Philippe Mo pendant la pause, une capuche pour la pochette. SRM sur tout le monde, Corso alias personne. Le j'm'en foutisme personnifié. 14, 80 secteur, 16, 64 sponsor, 9, 9, 9, 7, 4 chef. Ouais, Esprit Vandal 2. Ouais, Val de Fontenay. Équipe Jeep, Bunker Studio. Ouais, care.